Ты espionnage. Ah, tu espionnes. Mais quand ça sert... qui parle au fond là-bas, toi tu écoutes. Ça sert à quoi alors? Une conversation. Si. À quoi ça sert? C'était un cadeau pour le voyage en Thaïlande. Et pour enregistrer des bruits, du coup, on a enregistré plein de sons en Thaïlande. De gens qui parlent, de bruit, de nature. C'est pour garder des fragments sonores? C'est une photographie, mais sonore. D'accord. Moi, tu peux t'en servir pour des autres choses. C'est pour le travail, c'est pour faire de la... Ouais, soit pour enregistrer du son, soit pour... Mm-hmm. C'est pour enregistrer du son. D'accord. Ah ouais, oui. C'est terrible. Terrible ce truc-là. Mais le son, tu l'enregistres là, hein? Tu l'enregistres avec quoi? Ah, c'est juste pour l'écouter. Bah oui. Non, on n'est pas enregistré. Mais ouais, je vous ferai écouter les trucs en Thaïlande. T'as mélangé les deux qu'on avait acheté? On a entendu des oiseaux, on a dit un français qui parlait. Laotien qui parlait français. Il m'avait trop mûr et d'autres pas. T'es content de me rendre français d'ailleurs. J'ai gardé les mains bien. On parlait des vagins des femmes. Ouais, il avait une vision très virile. Il est venu en scooter avant qu'on parte du village. Et il fait, vous voulez pas de la potion magique? C'est quoi la potion magique? C'est de la bœuf, en fait, il veut nous vendre de la drogue. T'as vu cette femme, comme elle est belle? Elle a rayure. C'est rare, on dirait que ça mélange deux pommes. On dirait la pomme de Genève. Non, elle est rouge. On est encore préparé, et tout est là. Tu vas faire 10 minutes, donc tu n'as pas encore poussé. Elle est rouge, très brillante. 10 minutes. Bah alors, on va voir. Qui veut aller voir le spectacle dans la rue? Spectacle. Structure. Musique. Groupe. Groupe. Ah, on peut y aller un peu. Un quart d'heure, 15 minutes. Ceux qui veulent pas, à la maison. Вы можете или еще хотите? Joanna Dżindżyńczyk. On chce zobaczyć Joanna Dżindżyńczyk. Joanna Dżindżyńczyk. It didn't start it. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? 10 minutes, I think. Le match de l'Indana. World Championship. The Polish girl is fighting. À la boxe. Ah. In UFC. Contre l'US. Non, on peut dire que c'est comme ça. Tak, tak. Mais tu as peut-être tout. Non, regarde pas comme ça. Monsieur, tu pourrais craquer. T'es toujours aussi couillon, hein? Quand t'arrivais pas à monter la marche et que les enfants étaient partis, t'étais comme ça. Ah, Niemcy n'a eu mouvement. Yen Drejczyk. Ah, t'es Yen Drejczyk. Yen Drejczyk. You know the sound? The girl is called Jędrzejczyk. Her surname is Jędrzejczyk, okay. In Polish. And the people in Germany call her Jędrzejczyk. Jędrzejczyk. Yeah. And the people in America call her Jędrzejczyk. Difficile. Tak, Brzęsień Szczykiewicz. No sam ja mam. A si on descend, laisse tout là. Ça risque rien, personne ne va nous les... On enlève plutôt les petites croques. Ceux qui veulent aller, bon. Ceux qui veulent pas, restent. Ouais. Les fruits, on est rentré tout à l'heure. Mais moi, je veux bien aller jeter un œil, quoi. Ouais. Moi, juste prendre la température. Ouais, voir l'ambiance. Bon. Voir l'ambiance. Voir l'ambiance. Depuis quoi, Mila? Je suis tellement No, pewnie. Wszyscy tam się wysiedziała tyle sama. No, no. A męczy na takim słońcu, nie? Tak jest. Co leży? Musieliśmy zmywać. A tu sobie tylko nie zbierasz rzeczy. To może tu przyniosę te, obejrzymy te kolce. No to przyniosę.